Entre terre et ciel. À peine rentrée à Gainesville, Faustine retrouve la petite Fiat avec plaisir. Elle reprend ses marques dans la grande maison du 1424 Vinch Hill Road. Mal conçue, froide et sans caractère, elle n'est pas pratique du tout cette baraque. La jeune femme la fuit dès qu'elle le peut. Chaque matin, après avoir conduit Maxime, elle glande au bureau en quête de nouveaux mandats. À force de prouver par de menus exploits qu'elle sait se rendre utile, Donald le Big Boss la rajoute sur le payroll, registre des salaires. Faustine sera payée à l'heure, à elle d'en fournir le décompte. Elle travaillera à la demande au gré des besoins des différents secteurs. On a toujours besoin d'une petite main chez soi. Elle ne demande pas mieux qu'un temps partiel. Cela lui garantit un maximum de liberté. Tout ce qu'elle souhaite réellement, c'est une occupation. Si en plus elle bénéficie d'un bon équilibre entre l'entretien de la maison, le service traiteur pour Maxime et quelques petits travaux lui permettant de garder à la fois ses neurones en activité et un pied dans le monde du travail, tout est parfait. Comme toujours, elle se fiche du montant de son salaire. Il s'agit bien là de beurre dans les épinards, parce qu'avec du beurre, c'est meilleur, comme le dit la pub. Aussi, elle dépense ses sous sans vergogne au grand dam de Maxime qui ne contrôle plus rien. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. En refusant d'endosser ses responsabilités, faire d'elle une honnête femme, en minimisant systématiquement son ressenti, en ignorant ses valeurs, il annihile toute velléité de collaboration. Exemple. Bonjour mon amour, comment va ton petit boulot? Tes petites affaires, tes petits achats, tes petits projets. Tout ce qui concerne Faustine est toujours petit, prétendument mignon, insidieusement dévalué. Mais attention au retour de bâton le jour où elle se rebiffe et s'avise de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mon petit boulot avance bien, mon amour. Et toi, ton petit séminaire, a-t-il obtenu le succès attendu? Et tes petites conférences? Nous tairons la réaction de l'homme. Il a été assez virulent quant à l'énorme importance de son apport à la marche du monde. Fermons la parenthèse. Faustine, malgré plusieurs mois de vie commune, n'a aucune notion du budget de leur ménage. Maxime sort un fric fou pour transporter ses filles de droite à gauche, payer leurs pensions ainsi que leurs loisirs. Il pourvoit en outre à leur propre loyer, nourriture, habillement, voyage, etc. Il se débrouille bien dans l'ensemble, grâce à un sens de l'opportunisme incroyablement développé. Faustine est à bonne école, cela lui servira plus tard. Maxime profite de chaque occasion, séminaire ou consulting, pour cumuler avec des vacances. En général aux Arcs, où il joue deux, voire trois fois par an. Séjour offert, dans un 5 étoiles, pour lui-même et sa famille. Il est incroyable, alors que pour tout un chacun, les vacances coûtent, les siennes, au contraire, ne lui apportent que des avantages, et cela uniquement parce qu'il s'est soufflé dans un petit bout de bois nommé clarinette. Pour le reste, toutes les voitures sont louées aux frais de la boîte, il n'a pas perdu sa manie de débrancher le compteur quand il loue à son compte, et bien sûr, les chambres d'hôtel sont réservées pour une personne, même lorsqu'ils sont deux. Faustine, sans vue d'ensemble de la situation, ni distance suffisante, ne peut se rendre compte de la gymnastique permanente à laquelle son compagnon se soumet pour satisfaire le monde en général et lui-même en particulier. Puisqu'avec sa sale manie de la mettre devant ses forfaits accomplis, il ne lui confie jamais ses intentions à long terme, d'où des dissensions et malentendus permanents. Faustine a beau jeu de taxer son conjoint de radin, puisqu'elle le voit gratter en permanence partout où il le peut. Digne descendante en cela de sa mère, elle ne parvient pas toujours à dissimuler un léger mépris. En vraie lionne haussienne, Faustine a besoin d'admirer son homme. Il se doit d'être viril, brillant et généreux. De son côté, Maxime a beau jeu de critiquer une compagne dont les goûts pour la boisson et le tabagisme n'aident pas à faire des économies, encore heureux qu'elle n'aime ni les bijoux, ni les fourrures. Chez Don White Inc., les tâches que l'on confie à Faustine sont multiples. Organiser un cocktail de bienvenue, y ajouter une séduisante French touch, mettre à jour la bibliothèque technique, dépouiller les questionnaires, ou encore nettoyer la liste d'adresses d'envoi des brochures. On ne se rend pas compte à quel point le travail de fourmi, qui consiste à effectuer sérieusement de simples changements d'adresse, permet d'éviter un énorme gaspillage de papier et de frais postaux. Faustine est vite devenue une pro en géographie américaine. Donnez-lui un nom de ville, elle vous cite automatiquement l'état où elle se trouve. On l'amende également pour traduire des telex et des courriers français ou allemands. Partout où elle peut se rendre utile, vous la verrez. La seule qui n'est pas contente, c'est Pamela, la comptable, qui rempile à chaque paycheck dans son cours de morale culpabilisant, venant de la part d'une nana qui a refusé de demander la nationalité américaine parce qu'elle a fumé des joints dans sa jeunesse et ne veut pas mentir au questionnaire d'entrée, à la question « Vous est-il arrivé de consommer de la drogue ?» Cela n'a rien d'étonnant. On voit tout de suite le genre de perfectionniste que c'est. En attendant, Faustine fait le point dans sa poche, baisse la tête et passe à autre chose. Si le grand patron n'y voit pas l'inconvénient, ce n'est pas une comptable qui va lui faire peur. Mais quand même, ça la mine. Ce soir, quand Maxime rentrera, elle s'en déchargera sur lui une fois de plus. Pas question de tout garder pour elle. Seulement, quand Maxime rentre, il n'est pas seul. Jeff, le batteur de l'orchestre, Cathy, sa femme et Brian, leur fils, arrivent en même temps que lui. Faustine file dans la cuisine. Cathy a apporté des travers de porc. Quel régal! Avec des pommes de terre rôties et une salade, voilà qui augure bien de la soirée. D'autant qu'il reste du gâteau de hier, non? Jeff n'est pas venu sans arrière-pensée. Il a été approché par un de ses amis qui se marie et aimerait engager l'orchestre. La prestation aurait lieu à Atlanta, en Géorgie, le dernier week-end de septembre. Est-ce que Maxime serait d'accord? Yes, of course, mais on irait comment? Et combien de temps? Je dois être rentrée lundi matin. Rien de plus simple, tu as ton brevet de pilote, moi aussi. Mon frère me prête son Cessna. En 2 heures, on est à Atlanta. On joue, aller-retour dans la soirée, et tu pourras prendre le manche. Fantastique, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas volé. C'est quand déjà? Dans 15 jours. Quelle expérience! Voler dans un tout petit coucou. Faustine explose de joie. Elle sait que c'est courant aux USA où on prend l'avion entre les villes comme le bus à Paris, pour preuve les innombrables aérodromes qui parsèment le pays. Elle sait que Maxime possédait son propre avion autrefois, construit de ses blanches chemins. Il s'en est servi pour descendre sur la côte avec femme et enfant, enfin presque, avec femme enceinte. Mais pour elle, ce sera une première. Elle frétille d'impatience. La Géorgie. Atlanta. Minute, n'est-ce pas la ville de Scarlett O'Hara? Et la plantation, comment sera-t-elle? Faustine se demande si Tara existe toujours, pour autant qu'elle ait existé, autrement qu'en décor de cinéma. Peut-on la visiter? Elle est maison d'Atlanta. Ont-elles été reconstruites après la guerre de sécession? Elle a tellement lu et relu le livre de Margaret Mitchell, vu le film surtout, que la musique d'autant on emporte le vent tourne en boucle dans sa tête. La la la la, la la la la, la la la la la. Bien entendu qu'elle ne laisse rien paraître de ce côté fleur bleue devant Maxime. Déjà qu'il lui reprochait ses rares faiblesses pour cosmopolite truc et confident chose, il pourrait recommencer à se moquer d'elle si elle avouait son penchant pour Scarlett, comme autrefois pour Caroline Chéri. La seule chose qu'elle lui reproche à la frangine, c'est son amour imbécile pour ce falot d'Ashley Wilkes. Quel manque de goût! Elle-même aurait compris immédiatement toute la passion qu'elle aurait pu vivre avec Clark Gable. Enfin, elle se souviendra qu'on peut fabriquer une robe de princesse en se servant d'un vieux jupon en satin rouge et d'un morceau de voilage. Le jour J arrive enfin. Faustine a revêtu pour l'occasion une longue jupe gitane et un corsage romantique en broderie anglaise. Parfaite mistress de plantation. Dommage que les guêpières n'existent plus. Quoique, si elle veut boire en toute liberté... Comme convenu, le couple retrouve Jeff à l'aérodrome, seul. À la dernière minute, Cathy a préféré rester pour s'occuper de Brian, leur fils. Elle n'a pas trouvé de babysitter. En outre, s'ils ont un accident, Brian perdra ses deux parents à la fois. Faustine comprend. Elle grimpe dans l'oiseau et s'installe à l'arrière, dans un minuscule siège baquet. Visiblement, elle est dans un deux places bricolé. Elle a une ceinture, mais c'est tout juste. Visibilité nulle, à part le profil du pilote qu'elle connaît par cœur. Pas de bol. En plus, elle a oublié son livre. Ça va être gai. Quelques instants plus tard, après un décollage parfait effectué par Jeff, ils sont dans les airs. Le coucou vibre et tangue de tous les côtés. C'est assez impressionnant quand la vue manque. Faustine expérimente la boîte de sardines volantes entourée de nuages dodus. Heureusement, il n'y a pas de trou d'air. À part ces quelques cumulus, le ciel est d'huile. Maxime, qui a pris le manche après le décollage, la console en lui disant qu'il vole au-dessus d'un léger voile de brume, suffisant pour masquer le sol. Pilote et copilote ne peuvent pas non plus admirer les jolies fermes ni les champs de coton. Tu parles d'une expérience. Les deux interminables heures finissent par passer et le coucou par atterrir. Maxime a piloté pendant toute la durée du voyage, sauf pour le décollage et l'atterrissage. Faustine a eu tout le temps de le prendre en photo. La plantation tient ses promesses. Sise au milieu d'un immense domaine, probablement prospère au temps de l'esclavage, elle a de beaux restes. La maison est d'époque, avec ses colonnades et son balcon en fer forgé qui court sur tout l'étage. Fauteuils et balancelles sont disposés un peu partout. Le parc a été entièrement décoré pour la cérémonie. On n'attend plus que l'orchestre, qui se met rapidement en place et entame la marche nuptiale de Mendelssohn sur un signe du factotum. La mariée s'avance au bras de son père jusqu'au dais fleuri sous lequel l'attend son époux en devenir. L'officiant officie. Faustine est assise au dernier rang, beaucoup trop loin pour entendre les mots échangés. Sitôt que la cérémonie prend fin, la mariée lance son bouquet. Faustine, qui s'est approchée, le rate de peu. L'assemblée applaudit bruyamment, puis se dirige vers le buffet et la piste de danse. Dans ce pays, explique une bonne âme, les photos avec la famille et les proches se font à l'avance. Cela permet de choisir le temps idéal. Oui, mais alors le marié a déjà vu la robe de mariée. Chez nous, ça porte malheur. Manifestement, ce n'est pas le cas ici. L'Américain est pragmatique et efficace. Time is money. On n'a pas fini de le dire. Si vous voulez du romantisme, ma petite, il va falloir l'inventer. L'orchestre passe à la partie récréative de sa prestation. Faustine s'approche du buffet des boissons. À part Maxime et Jeff, qui sont occupés tous les deux, elle ne connaît personne. Sans doute que les amis du marié pensent qu'elle fait partie du groupe des amis de la mariée et vice-versa. Sans pousser la réflexion plus loin, elle sirote son premier Bloody Mary en toute impunité. Après quoi, elle se balade partout dans la maison. À la pause, Maxime, venu à sa recherche, la trouve dans le grand salon. L'endroit est idéal pour une photo souvenir. Un serveur, happé au passage, accepte la corvée de bon gré. Faustine, déjà bien pompette, le Bloody Mary ayant été largement suivi par divers autres produits illicites, est à demi allongée sur le canapé. Son compagnon se tient debout derrière elle dans une pose de macho authentique. Quel cinéma! Dommage que ses pantalons soient à la mode feu de plancher. Ils en rient encore en rejoignant l'aérodrome vers 2 heures du matin. Autant l'aller était décevant, autant le retour sur fond de voie lactée scintillante et féerique. Depuis l'aérodrome de Manassas, le trajet en voiture se déroule dans un silence absolu. Maxime n'a même pas allumé l'autoradio, tant ils sont comblés tous les deux. Faustine est encore sous le coup de l'émerveillement. ce voyage restera pour elle un souvenir inoubliable.